Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, ce matin, tu es tombé sur une histoire assez particulière, Tof. Ouais, c'est un couple d'Américains qui se disent « Oh, on va faire un truc sympa et tout, on va inviter une fille en plus, comme ça on fera un truc, un petit plan à trois. » Ouais. Et là, le plan se déroule, sauf que le mari pète les plombs et il balance la télé sur sa femme, bien sûr. Et tu appelles les gens pourquoi, du coup? Alors, savoir s'ils ont une télé à donner? Non, juste pour savoir si chez eux ça se passe bien quand ils font des plans à trois. Ah oui, d'accord, évidemment, c'est à titre informatif. Complètement. Bien entendu. C'est pour le bien de la civilisation. Évidemment, évidemment. Bon, ben c'est parti. Pour aider les gens. C'est vrai. On avait appelé à Charleroi. On avait appelé à Charleroi tout à l'heure. On va appeler à Jambes. Allez, à région la Muroise maintenant. Et puis j'ai oublié de vous dire, si vous avez la réponse à la dinette qui colle, il faut envoyer votre réponse au 6322. Hein. C'est 1€ le message. Bonne chance tout le monde. Allez, c'est parti. On y va. On appelle à Jambes. Ah, voilà, ça sonne. M'inquiétez, maman. Bah, super pressé de décrocher. C'est le matin. Ouais, je sais que c'est le matin. Mais... Allô? Oui, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour. Voilà, écoutez, je vous appelle pour savoir si vous avez déjà pratiqué le sexe à plusieurs. Espèce de con. Espèce de con. Pas super. Bon, oui, pas agréable, hein, Jean. Bon, on va rappeler, hein. Oui, elle aurait pu dire bonjour avant quand même. Oui, c'est ça, c'était le minimum syndical. Allez, on rappelle. Voilà. Allô? Oui, excusez-moi, nous avons été coupés, je n'ai pas le temps d'entendre votre réponse. Vous n'avez rien d'autre à faire à cette heure-ci? Non, madame. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bah, allez vous faire soigner. Hein. Bah, attendez monsieur, je ne vous ai encore rien demandé. Non, c'est quoi cette affaire? Bah, je voudrais juste savoir si avec votre femme vous pratiquez le sexe à plusieurs. Ah, lui non plus il n'a pas l'air ouvert. Hein. Bon, c'est pas grave, on va encore une fois le rappeler. Hein. Enfin, allez, rappeler. Quelle bande de malpoli. Je sais pas si même. On va tomber sur madame ou monsieur, mais enfin on verra bien. Allez hop. Oui! Excusez-moi, j'étais au téléphone avec monsieur, mais nous avons été coupés. Eh, vous le faites exprès là? Bah, c'est quoi cette histoire? Bah, en fait, vous n'avez rien d'autre à faire, moi j'ai des enfants qui dorment à ce heure-ci, hein. Oui, mais je voulais juste savoir si vous aviez déjà... J'en ai rien à foutre. Vous n'avez pas vu l'heure, là? Bah si, je vois très bien l'heure, madame, j'ai une... Eh ben alors, faites autre chose que nous téléphoner, ça fait la troisième fois. Si vous voulez des emmerdes continuer, c'est bien parti pour, ok? Mais je veux juste savoir si vous avez déjà pratiqué à trois... Merde. Mais attention, elle attention. Elle est pas super ouverte. Hein. Non, et attention, la menace. Si vous avez des emmerdes, vous êtes bien parti pour. Ah bon, ben comment vous allez faire? Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Les news Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Nous avons avec nous pour la déclaration express ce matin Maxime. Salut Maxime. Salut Mickaël, comment tu vas? Ça va bien et toi? Bien, bien, la forme. Bon, bah tant mieux. Bienvenue à toi Maxime. Alors on va appeler Merci. Alice dans un instant pour une déclaration express. Tout à fait. Alors qui est Alice? Alice, en fait, c'est mon ex-copine. Ouais. Avec qui c'est fini il y a maintenant 2 mois et que j'aimerais bien récupérer. D'accord, ok. Comment, et ça s'est fini pour comment, pourquoi? Bon, en fait, ça s'est fini parce qu'on n'arrivait plus vraiment à se parler et qu'on était vraiment... Enfin, qu'on avait des petits désaccords sur certaines choses. D'accord. Et qu'on n'osait pas vraiment se le dire. Ok, ok, très bien. Bon, eh ben écoute, c'est pas grave, on va l'appeler. Tu l'appelles maintenant, tu lui dis, voilà, j'ai un truc à te dire. Enfin, si elle décroche, évidemment, et si elle décroche pas sur le répondeur, tu diras pareil. Et puis, bah, dès que t'as dit, j'ai un truc à te dire, hop, nous, on démarre la chanson. D'accord? Pas de soucis. Allez, c'est parti, on y va, on appelle Alice. Ouais, donc, quel âge elle a, elle? 24 ans. 24, c'est parti. Allez. Et l'homme qui est complètement perdu, il sait pas du tout où est-ce qu'il est là. Il était en train de se noyer. Ah ouais, complètement paumé là. J'étais en train de redire mes paroles vraiment. Ah, ça doit être ça, ouais. Ah, petit accident aussi sur le 411 au niveau de Wavre, c'est Jérôme qui nous le signale. Merci Jérôme. Ça vous le savez sur le 411. Dis-nous juste vers où. Ça serait cool. Dans quel sens? Dans quel sens, ouais. Bon appétit Julie également. Merci. Allô? Oui, du coup, allez, c'est Max. En fait, j'ai quelque chose à te dire, donc voilà. Ah. On réveille en plus. Ah oui, ah normal. Oui, c'est dur. Ça fait maintenant 2 mois qu'au réveil t'es pas à côté de moi. Ça me fait mal à chaque fois. La matinale. Je l'avoue, depuis que t'es parti, je deviens fou. Je suis seul du soir au matin. Du coup, je dois jouer. Ce qui t'est arrivé, je suis gêné pour lui. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé alors, Alice? Moi? Oui. Oui. Enfin, voilà quoi, mais je préfère en parler avec lui. De toute façon, je ne reviendrai pas, sache-le. Oui, voilà, mais ça me l'air assez mort. De toute façon, avec ce genre de réponse, effectivement, on a bien compris que c'était mort. Mais il n'y a pas de problème, hein, tu as mais droit, il n'y a aucun souci. Mais je te reprendrai quand même au standard, Alice. C'est ça, t'as raison. Bon, ben voilà, Maxime, on a tout ce qu'on a pu, hein. Non, mais allez, pas de soucis. Voilà. Bon, ben, passe une bonne journée, puis, ben, tiens-le au jus, hein, Maxime, hein, d'accord? Ouais, ça va, merci. Allez, salut Max, salut Alice, à vous deux, à bientôt. Non, ouais. Allez, salut. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13 Fun Radio. Fun Radio. La vie anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio, 7h, 8h et 9h moins quart. Les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou grâce à vous, grâce à un numéro de téléphone qu'il faut retenir par cœur, le 0-473-86-00-13. Vous retenez le numéro par cœur et vous le donnez aux relous que vous croisez. Comme ça, vous en êtes débarrassés. Et eux, bah forcément, vont penser qu'ils ont fait l'affaire du siècle, sauf qu'en fait, pas vraiment, puisqu'ils tomberont chez nous. Et nous, évidemment, avec plaisir, on écoutera leurs messages, comme celui-là, par exemple. Oui, c'était Romain. 2 heures, je t'attends. Alors, déconne pas maintenant. Pète un câble, moi. Oh, et Ok. Ok. Ok. Eh ben, ok. Déconne okay. pas maintenant. Voilà. Ok aussi. Ok, moi j'ai envie de te dire. Ok, je veux dire, voilà quoi. Bon, deuxième message ce matin sur la ligne anti-relou. Oui, c'est vrai que c'est confrère. Bah, allez. Dis, c'était de donner rendez-vous. J'ai attendu une bonne heure et demie. C'est pour savoir quoi, parce que moi j'ai apprécié le truc qu'on a passé hier ensemble. Tu pouvais me rappeler, ce serait vraiment sympa. Et je rêve de toi depuis tellement longtemps. J'ai adoré quand tu faisais des gros câlins. Tantôt mon amour. Mais oui, mais visiblement, l'autre personne n'a pas vraiment adoré quand tu faisais des câlins, puisque tu as atterri sur la ligne anti-relou. Ce qui est dommage pour toi. Troisième et dernier message pour ce tour-ci. Allô, ma chérie, où tu es? Je t'attends devant le cinéma. On s'est rencontrés hier soir et tu es, voilà, tu es douce, adorable et. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien te sentir. Allez, s'il te plaît. Viens. Ou pas en fait hein, voilà, c'est... Surtout ou pas, oui. Bah ça dépend, tu vois, t'as des gens comme ça, ils sont persuadés que alors qu'en final rien. Mais là c'est mort de toute façon, la ligne anti-relou, c'est mort. Ah oui, là c'est plié, effectivement. Bon, numéro de la ligne anti-relou, retenez-le bien par cœur, 0-473-86-00-13. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Bon, on a Toff maintenant pour un petit Mickaël réveille à Belgique. Allô, allô. Allô. Oui, tu es où là? Parce que le... Ouais, mais t'as ton kit pas libre. Oh là là là là, c'est inaudible. Toff. Ça, c'est le allô, mégaphone. Ah voilà, ça y est, maintenant voilà. Je t'entends, ouais. Oui, voilà. Donc là, je suis en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des parkings pas loin de la radio, ouais. Où les gens sont en train, enfin, vont chercher leur voiture le matin, un petit peu la tête dans le cul. Ouais. Et là, je viens de repérer des gens qui étaient en train d'ouvrir leur garage. Ouais. Donc là, je vais courir dans l'allée où il y a des garages et je vais, comment dire, leur dire que Mickaël réveille la Belgique. D'accord, très bien. Allez, vas-y. Alors, attention, vous êtes prêts? Oui, vas-y, vas-y. 3, 2, 1. Mais putain, t'es fou quoi! Mais qu'est-ce qu'il faut aller? Putain, y'a des gens qui s'élèvent, putain, Pardon, je crois que je me suis fait un peu insulté. Ah, je ne crois pas que c'est apprécié dans le quartier. Mais yo, mais tu fous quoi? Mais casse-toi et dégage. Pardon, je pense que je vais devoir courir un peu plus vite. Oui, elle est jeune ou elle est vieille, la dame? Comment? Elle est jeune ou elle était vieille? Entre deux âges, non, je sais pas, moi, 45 ans. Ah oui, donc elle n'avait pas d'humour, quoi. Elle n'avait pas d'humour. Non, ça n'a pas fait rire. Bon, bah, très bien. Je crois que je vais faire un peu sursauter aussi. Oui, c'est possible aussi, ça, effectivement. Bon, ben, bah, reviens à la radio, alors, très bien. Ben, j'arrive. Allez, à tout de suite, hein. À tout de suite. C'est bien. Mais t'es fou, quoi? Je travaille, casse-toi. Mickaël à la radio. Le rythme, la Fun Radio.